La plus grande bénédiction pour l'humanité dans toute son histoire, selon la perspective de Dieu, est la crucifixion de Jésus-Christ. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Au cours de sa dernière nuit sur la terre, Jésus a prédit à ses disciples les événements des prochaines heures. De leur point de vue limité, ceux-ci ne pouvaient comprendre pourquoi Dieu permettrait à leur Messie d'être exécuté comme un criminel de droit commun. Que pourrait-on tirer de bon d'une telle tragédie? Or, en réalité, la crucifixion de Jésus-Christ est la meilleure chose qui pouvait leur arriver et qui pouvait nous arriver, car elle nous ouvre la porte du ciel. 2000 ans plus tard, il nous est plus facile de voir dans la crucifixion de Jésus-Christ une autre preuve de la bonté de Dieu. Nous pouvons donc avoir confiance en l'amour de Dieu pour nous, même si nous ne comprenons pas toujours ses voies. Écoutons notre enseignant, Charles Stanley. Quand vous pensez à Dieu, quels mots vous viennent à l'esprit? Des qualificatifs comme omnipotent, omniprésent, omniscient, miséricordieux, juste et digne de confiance? Qu'en est-il de sa bonté? Ce mot vous vient-il à l'esprit quand vous pensez à Dieu? Nous avons tendance à penser à Dieu en termes de grandeur, de puissance et de force. Or, bien que nous parlions aussi de lui comme d'un Père rempli d'amour, de gentillesse, de compassion et de grâce, nous ne nous rendons pas souvent au point d'affirmer sa bonté. Car notre Dieu est tout simplement un bon Dieu. Ouvrez votre Bible avec moi, si vous le voulez, dans le psaume 31. Nous ne lirons qu'un seul verset, car le psalmiste parle d'un aspect de la bonté de Dieu digne de mention. Le psaume 31, verset 20. « Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi le refuge à la vue des fils de l'homme. » Avez-vous remarqué ces paroles? « Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent! » J'aimerais particulièrement attirer votre attention sur deux aspects de la bonté de Dieu. Nous devrions premièrement penser à la bonté de Dieu comme étant un attribut ou, si vous préférez, une caractéristique de Dieu. Car si vous décrivez Dieu, votre description ne pourra pas être complète avant d'y avoir inclus cette qualité. Dieu est en effet un Dieu rempli de bonté. Cette bonté exprime une des qualités de Dieu. Et si on demande jusqu'à quel point Dieu est bon, il est autant que la perfection, la sainteté et la pureté la plus absolue peuvent l'être. Cela signifie que Dieu n'est pas seulement bon, mais qu'il est la norme, la référence ultime de toute bonté. La bonté de Dieu est l'étalon par rapport auquel toute autre bonté doit être mesurée, car Dieu seul possède une bonté parfaite. Il est lui-même absolument parfait dans tous ses aspects. Il est le seul à être absolument saint. En lui seul, donc, réside la norme parfaite de toute bonté. Nous pouvons donc conclure que, si Dieu nous présente quelque chose comme étant bon, cette chose est assurément bonne. Car Dieu lui-même est parfaitement bon. Il parle donc en connaissance de cause. Nous pouvons alors lui faire confiance, même si nous ne comprenons pas toujours sa conception de la bonté. Car nous vivons parfois des situations douloureuses, pénibles, blessantes et éprouvantes. Et nous nous posons la question, « Seigneur, où est ta bonté là-dedans? » Selon notre point de vue limité, nous avons beau considérer la situation sous tous les angles imaginables, toute trace de bonté nous échappe. Or, Dieu seul peut définir la bonté, car la bonté est l'expression du caractère même de la nature de Dieu. En conséquence, nous n'avons pas à nous demander comment Dieu agira dans notre vie, car nous savons, premièrement, que la bonté fait partie de ses attributs et que, deuxièmement, il est dans la nature et le caractère de Dieu d'être bon. Nous pouvons donc nous reposer sur la certitude que tout ce que Dieu fera dans notre vie sera pour notre bien. On pourrait objecter à cela tout le mal et la méchanceté que nous pouvons voir dans le monde. J'y reviendrai plus tard. Or, pour le moment, nous devons réaliser ceci. La plus grande norme de bonté réside en Dieu lui-même. En dernière analyse, tout ce que Dieu considère comme bon doit à coup sûr être bon. Et parce qu'il est dans sa nature même d'être bon, il exprimera la bonté dans tous ses aspects. Tournons maintenant dans le psaume 119, verset 68. Considérez ceci. Pendant que vous feuilletez, nous avons déjà énuméré deux attributs de Dieu, sa bonté et sa perfection. En voici un troisième, son immutabilité. Cela veut dire que Dieu ne change pas. Si nous combinons ces trois aspects, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu fasse toujours le bien. C'est pourquoi le psalmiste affirme « Tu es bon et bienfaisant ». Dieu est bon et il fait le bien. Dieu ne pourrait pas agir autrement. Dieu a toujours été bon, car c'est dans sa nature. Il est bon aujourd'hui et il sera bon demain. Il ne pourrait pas être meilleur aujourd'hui qu'il l'était hier. Et pareillement, il ne pourra pas être meilleur dans votre vie demain qu'il l'est aujourd'hui. Je sais que certains d'entre vous pensent, « Si Dieu ne peut pas faire preuve de plus de bonté envers moi qu'il l'a fait aujourd'hui, je préfère abandonner. » Un peu de patience, je vous prie. Vous devez comprendre en quoi consiste la bonté. La bonté fait partie des attributs caractéristiques et qualités de Dieu. Il est la perfection absolue de tout ce qui est bon, selon son point de vue. Nous pouvons ne pas toujours être d'accord avec sa conception de la bonté, mais Dieu connaît ce qui est bon. Nous pouvons donc nous attendre à de bonnes actions de sa part, car il est dans sa nature de faire le bien. Il ne peut d'ailleurs faire que cela. Certaines personnes acceptent difficilement cela. Dieu ne peut pas, à cause de sa nature même, agir envers vous d'une autre manière que par pure bonté. Certains disent, cependant, « Ne croyez-vous pas qu'un jour Dieu jugera tous les hommes, qu'il condamnera tous les méchants et les enverra tous en enfer pour l'éternité ?» Oui, et c'est la vérité, car la Bible l'affirme. Comment pouvez-vous prétendre qu'un Dieu bon puisse faire une chose pareille? Parce que Dieu agit en termes de bonté selon sa conception de la bonté. Cette conception est la seule valable, car il est la norme de toute bonté. Quand nous reconnaissons et comprenons que Dieu peut seulement agir envers nous d'une bonne façon, nous sommes rassurés de savoir que nous avons fait confiance à un Père céleste dont la nature même est d'être bon et dont toutes les actions sont bonnes. La Bible affirme que Dieu est bon et qu'il fait toujours le bien. Prenons quelques instants pour étudier comment Dieu a exprimé sa bonté dans les Écritures. Retournons au tout début dans le livre de la Genèse. Dans le premier livre de la Bible, nous pouvons remarquer ceci. Dès les tout premiers versets, Genèse 1, versets 3 et 4, Dieu dit « Que la lumière soit, et la lumière fut. » Dieu vit que la lumière était bonne. Nous voyons d'abord Dieu créer la lumière par sa parole. C'est la première création de Dieu. Et tout de suite après, dès le verset suivant, il voit que la lumière est bonne. Il en est de même pour les autres créations. Il vit que cela était bon. Mais sautons tout de suite au verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le sixième jour. Comme je le comprends, Dieu a pris un certain recul, après avoir dit que les choses étaient bonnes. Il a regardé l'ensemble de sa création, et il s'est dit, « Tout cela est très bon. C'est du bon travail. » Dieu accomplit un travail fantastique en créant l'univers. Tout ce que Dieu a créé est bon. Si Dieu dit que sa création est bonne, elle l'est assurément. Dans le livre d'Exode, chapitre 33, verset 18, Moïse demande à Dieu de lui faire voir sa gloire. Et au verset suivant, l'Éternel répond, « Je ferai passer devant toi toute ma bonté. » Nous pouvons constater que, dès l'Ancien Testament, Dieu se caractérise par sa bonté. Tournons maintenant dans le livre des Actes, chapitre 10, verset 38. L'apôtre Pierre s'est rendu dans la maison de Corneille et il lui parle de Jésus. Il témoigne ainsi de la parole de Dieu, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Quand nous considérons la vie du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons remarquer qu'il faisait seulement le bien. Quoi qu'il fasse, c'était bon. Certains pourraient dire, « Vous oubliez cette occasion où il a pris le fouet et chassé les vendeurs du temple dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 21, versets 12 et 13. » Je n'oublie rien du tout. La Bible n'indique pas qu'il a frappé quelqu'un. Il a simplement renversé les tables et jeté les changeurs dehors. Le fait d'être en colère parce que les marchands agissaient comme des voleurs dans la maison de son père était-il justifié? Tout à fait! Et c'était très bon aussi. Qu'a fait Jésus par cette action? Le ménage! Et c'était une très bonne chose. J'ai beau chercher, Jésus n'a jamais fait que de bonnes actions, parce qu'il était également dans sa nature même d'être bon, lui, qui était aussi Dieu. Puisque Jésus-Christ, le Fils, et Dieu le Père partagent la même nature divine, ils possèdent la même bonté absolue et parfaite. Nous en voyons l'expression dans la vie de Jésus. Continuons notre survol biblique dans Romains chapitre 2, verset 4. Nous notons ici la bonté de Dieu sous un aspect particulier. Dans ce passage, Dieu fait preuve de bonté envers des gens qui ne lui rendent pas l'appareil, car ils sont rebelles. Aussi, ces gens-là ne lui font pas confiance. Lisons le verset 4. « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité ?» ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Par ces paroles, Dieu nous explique qu'il exprime même sa bonté envers des personnes qui le rejettent et ne croient pas en lui. Il leur donne de bonnes choses, bien qu'en quantité limitée, afin de les pousser à la repentance. Dieu nous prouve ainsi une autre fois qu'il est dans sa nature même d'être bon. Peu importe ce que Dieu fait dans la Bible, il fait preuve de bonté. Il est bon envers tous les hommes, car Dieu est bon par nature. Prenons un exemple. Vous marchez sur vos deux pieds. Vous ne marchez pas à quatre pattes. Pourquoi? Parce qu'il est de votre nature de marcher sur deux pieds, tout comme il est dans la nature d'autres animaux de marcher à quatre pattes. Si vous commenciez à ramper, les gens autour de vous croiraient que vous êtes malade, car il n'est pas dans votre nature de ramper. Ainsi, il n'est pas dans la nature de Dieu ou dans le caractère de Dieu d'agir d'une autre manière que par pure bonté. C'est pourquoi il fait preuve de bonté même envers les perdus, comme c'est le cas dans le passage ci-haut. Un peu plus loin, dans Galates chapitre 5, verset 22, l'apôtre Paul nous décrit le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, et ainsi de suite. La bonté fait partie du fruit de l'Esprit, car le Saint-Esprit est une des personnes de la Trinité avec Dieu le Père et Dieu le Fils Jésus-Christ. Si Dieu le Père est bon par nature, le Fils partage cette nature divine, il en est de même du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui habite en nous exprime la vie de Jésus à travers nous. Par conséquent, si Dieu exprime sa vie à travers nous, il est en droit de s'attendre à ce que nous reflétions sa bonté en agissant bien. C'est-à-dire en agissant avec bonté, gentillesse, amour, compassion et grâce envers les personnes qui nous entourent. Car le jour où nous faisons personnellement confiance à Jésus-Christ comme notre Sauveur, la Bible affirme que nous sommes nés de nouveau. Nous avons débuté une nouvelle vie. Nous avons reçu un nouvel esprit. Et ce nouvel esprit est d'un caractère semblable à celui de notre Seigneur. Il est donc caractérisé par sa bonté. Les croyants doivent donc être bons, car nous sommes les disciples d'une personne qui est bonne par nature. Quand nous considérons ce passage, nous réalisons qu'il ne s'agit pas d'essayer d'être bon, mais bien de permettre à la bonté du Dieu qui habite en nous de s'exprimer en nous. Tournons maintenant dans Jacques chapitre 1, verset 17. Nous examinerons un autre aspect de la bonté de Dieu. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. En Dieu, nous ne trouvons ni changement ni même un soupçon de variation. En d'autres mots, si Dieu était bon hier, il l'est également aujourd'hui et il le sera demain. La bonté de Dieu ne souffre d'aucun changement. On pourrait se demander, si je me rebelle contre Dieu et que je pèche contre lui, Dieu pourra-t-il continuer de faire preuve de bonté envers moi? Oui, il le fera. Nous devons bien comprendre ce qui suit, car certaines personnes croient qu'un croyant peut perdre son salut et ils attaqueront cette vérité. Dieu est bon et il restera bon pour l'éternité. Même si nous n'agissons pas toujours bien, Dieu ne cessera pas d'agir envers nous avec bonté, car, fort heureusement, sa bonté ne dépend pas de la nôtre. Dieu ne change ni d'humeur, ni de caractère, et il ne changera pas son attitude envers nous, même si nous commettons des erreurs. Nous devons comprendre que nous ne pouvons ni décevoir Dieu, ni le surprendre, car on ne peut surprendre quelqu'un qui connaît tout ce que nous allons faire. Pour être déçu, vous devez avoir des attentes et ne pas les voir s'accomplir. Dieu ne peut donc pas être déçu. Est-il attristé quand nous péchons contre lui? Oui. Cesse-t-il d'être bon envers nous quand nous ne sommes pas bons envers lui ou envers notre prochain? Non. Nous ne pouvons pas changer Dieu par notre attitude. C'est pourquoi nous pouvons puiser un encouragement dans les paroles de Jacques. Il n'y a ni changement ni ombre de variation dans la nature et le caractère de Dieu. Dieu est bon, point à la ligne. Si Dieu approuve une chose, elle doit immanquablement être bonne, car Dieu est la norme ultime de bonté. Demandons-nous donc quelle est la plus grande expression de la bonté de Dieu que nous puissions connaître comme croyants. Si vous êtes croyant, quelle est, selon vous, la plus grande expression de la bonté de Dieu? Vous avez sans doute répondu « la croix », et vous avez absolument raison. Elle représente, en effet, la plus grande expression de la bonté de Dieu. Par amour, Dieu s'est penché sur un monde pécheur dans lequel nous étions tous séparés de lui. Et motivé par cette bonté et son amour pour nous, il a fait porter à Jésus-Christ toute la dette de notre péché. Il a ainsi rendu possible le pardon de nos péchés. Quelle grâce! Toutefois, à la première vue, cela peut avoir semblé une très mauvaise situation. En fait, tout le monde, incluant les disciples de Jésus, jugeait la situation très négative. On ne discernait que l'agneau de Dieu sans tache, un homme sans péché, qui n'avait jamais rien fait de mal, ni commis aucun crime contre personne, cloué sur une croix comme un vulgaire voleur ou assassin. Que peut-on trouver de bon dans cette situation, cette injustice flagrante? Or, rappelons-nous que nous considérons l'événement du point de vue humain. Nous devons en effet nous rappeler que nous sommes limités par notre perspective humaine. Car du point de vue de Dieu, la crucifixion était une preuve éclatante de sa bonté. De cette façon, Dieu pouvait nous sauver tout en demeurant absolument juste, sans péché et constant. Car il est écrit dans Ézéchiel, chapitre 18, verset 4, « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra ». Et dans Romains chapitre 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Et puisque nous sommes tous pécheurs, si Dieu avait passé l'éponge sur nos transgressions, il aurait violé sa propre parole. Il aurait cessé d'être parfaitement juste et parfaitement bon, car il aurait menti. Il aurait agi d'une façon contraire à son caractère en changeant d'idée. Il ne pouvait pas faire cela. » Quelqu'un devait mourir pour notre péché. Il ne pouvait s'agir que d'une personne n'ayant pas elle-même péché, car alors elle aurait dû mourir pour ses propres péchés. Dieu nous a donc donné un substitut, Jésus-Christ, qui a librement consenti à mourir à notre place sur la croix. Aussi tragique que cela puisse paraître, la mort de Jésus-Christ sur la croix est la meilleure chose que Dieu pouvait faire pour l'humanité. Il s'agit là d'une expression de la parfaite bonté de Dieu. Dans les Saintes Écritures, nous pouvons trouver des preuves innombrables de la bonté de Dieu. Or, pouvons-nous en trouver dans notre vie? Bien sûr. Premièrement, si vous êtes croyant, Dieu vous a sauvé. Vous vivez et marchez dans son pardon. Vous entretenez une relation personnelle et amicale avec lui. Vous êtes en bonne santé. Vous avez des vêtements, un toit pour vous abriter, de l'éducation et parfois des choses dont vous n'avez pas besoin. Ce sont toutes là des expressions de la bonté de Dieu envers vous. La bonté de Dieu se déverse continuellement sur ses enfants. Certaines personnes peuvent dire « Dans ma situation, la bonté de Dieu ne me paraît pas évidente. » Il existe peut-être des raisons à cela. Cependant, sans faire de cas particulier, j'aimerais simplement dire que Dieu, par nature, est un bon Dieu. Il pourvoit nos besoins et il exprime sa bonté envers nous. Toutefois, de tous les biens que je possède, le plus précieux à mes yeux est ma Bible. Que pourrions-nous faire sans ce livre? Pensez au privilège de posséder ce livre. Tous les problèmes, toutes les peines, tous les fardeaux et tous les événements auxquels nous avons à faire face trouvent dans ce livre un principe ou une direction à suivre, ce qui nous permettra de savoir comment réagir. Tout est là. Il est donc facile de conclure que ce livre est une autre expression de la bonté de Dieu envers nous. Dans tous les domaines de notre vie et dans la Bible, Dieu exprime sans cesse sa bonté envers nous d'une manière ou d'une autre à ceux qui croient en lui et dépendent de lui. Cependant, souvent à ce point-ci, deux questions surgissent à l'esprit. Premièrement, si Dieu est si bon, pourquoi existe-t-il un jugement? Et deuxièmement, si Dieu est si bon, pourquoi existe-t-il un enfer? Comment ces deux choses horribles peuvent-elles exister si Dieu est aussi bon que nous le prétendons, que la Bible affirme et qu'il le déclare lui-même? Sa bonté s'exprime par sa compassion, son amour, sa bienveillance, sa justice et tout le reste. Or, parce que nous le percevons à distance, parce que nous ne voyons pas les empreintes digitales et les pas de la bonté de Dieu autour de nous, nous ne le considérons pas comme bon. Voyons à présent la réponse à cette question qui brûle les lèvres. Si Dieu est bon, pourquoi tant de choses mauvaises se produisent tout autour de nous? Commençons par retourner dans Genèse, chapitre 3, versets 1 à 5. Nous y trouverons la réponse. Il s'agit bien sûr de l'épisode où Ève, la première femme, fait face à Satan. Ils se trouvent tous les deux dans le jardin d'Éden. Lisons le compte-rendu. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point !» Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Savez-vous comment le péché, la souffrance, le mal, la peine, les épreuves, la violence et toutes les autres expressions du mal ont commencé? Cela a commencé tout simplement quand Ève a douté de la bonté de Dieu. Satan lui a raconté des histoires en disant « Mais non, tu ne mourras pas si tu manges du fruit de cet arbre. En fait, Dieu t'a défendu d'en manger parce qu'il sait que si tu en manges, tu connaîtras la différence entre le bien et le mal. » La vérité, c'est que Dieu essaie de te garder dans l'ignorance. Si Dieu était si bon, il ne te priverait pas de cela. Il ne t'imposerait pas de contraintes. Il ne t'empêchera pas de connaître la différence entre le bien et le mal. Ève, pourquoi le fait de manger du fruit de cet arbre poserait-il un problème si Dieu est si bon? Pourquoi tient-il tant à t'empêcher de connaître la différence entre le bien et le mal? Pourquoi toutes ces cacheteries? Et aujourd'hui, nous nous posons parfois les mêmes questions. Seigneur, j'aimerais tellement essayer cela. Cela a l'air passionnant. Non, voici ce que je veux que tu fasses. Et alors nous pensons. C'est toujours la même histoire. Du boulot et encore plus de boulot. Je n'ai jamais le temps de m'amuser dans cette galère. J'en ai assez. Je vais me payer un peu de bon temps, malgré ce que Dieu a dit. Je vous prie de m'écouter. Derrière chaque restriction, chaque commandement, chaque exhortation de Dieu, se trouve cachée la bonté de Dieu. Il n'impose pas de limite à notre liberté parce qu'il veut nous empêcher de jouir de la vie. Non! Il ne nous demande pas de suivre ses commandements pour le plaisir. Il n'est pas un Dieu sévère et contraignant. Il est un Dieu bon. Chaque fois qu'il impose une restriction dans un domaine de notre vie, il ne fait qu'exprimer son amour, car il incarne la bonté même. Lorsque nous cherchons à nous disputer avec Dieu, nous sommes en désaccord avec ce qu'il nous réserve de meilleur pour notre vie. Nous lui préférons des choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Allons vers lui. Attendons-nous à lui. Faisons-lui confiance, car Dieu est bon. Et tout ce qu'il nous accorde, tout ce qu'il nous fait, est bon. C'est de sa nature même. Disons-lui merci pour ce qu'il est. Nous avons abordé le sujet de la bonté de Dieu dans l'émission d'aujourd'hui. Charles Stanley nous l'a rappelé, malgré les apparences souvent trompeuses, déformées par le mensonge de l'ennemi, la bonté de Dieu est palpable partout. Si Dieu nous impose des limites, ce n'est pas pour nous punir. Son intention n'est pas de gâcher notre plaisir, au contraire. Les limites qu'il nous impose sont une expression de sa bonté et de son amour. Comme un père impose des limites à son enfant pour son bien et sa sécurité, notre Père Céleste veut nous prévenir des dangers en nous limitant. Charles Stanley nous a rappelé que souvent, ce qui nous semble être bon selon notre point de vue peut nous exposer à des conséquences désastreuses. Faisons donc confiance à Dieu et obéissons à sa volonté. Le psaume 23, versets 1 à 3, nous rappelle que la bonté de Dieu est un soutien dans toutes les situations auxquelles nous devons faire face. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Ayons donc confiance dans la bonté de Dieu à notre égard. Ce que vous venez d'entendre vous intéresse? Vous voulez en savoir plus? Vous voulez voir comment des gens comme vous et moi ont vu leur vie transformée par Jésus-Christ tout en dégustant un délicieux déjeuner gratuit? Les Déjeuners de l'Espoir sont offerts à la grandeur du Québec. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou visitez notre site Internet au www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.